j'éclaire ma lanterne. Souvent j'arrive plus à rien faire autre que de gratter des textes, de penser au sexe. Les célébrités sur mesure, j'en vois pas l'usure. J'ai l'impression qu'on a tous un caillou dans la chaussure. Pour ce qui est d'assurer, j'suis pas sûr qu'on assure. Dans mon oisiveté, comme sur un petit nuage, plus j'y reste et plus l'exil est comme un violent naufrage. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre qu'on a plus l'âge. Y'a plein de situations morbides où je me suis senti lâche. Pourquoi elle reste avec moi des fois, je me le demande vraiment. Je fais des œuvres destinées à l'oubli, pourtant j'y crois comme un enfant. Artiste de seconde zone, tu peux le dire, ouais, je n'ai pas le X-Factor. Souvent j'ai une telle rage, je pourrais être dictateur. Besoin que t'éclaires ma lanterne. Souvent j'arrive plus à rien faire autre que de gratter des textes, de penser au sexe. Les célébrités sur mesure, j'en vois pas l'usure. J'ai l'impression qu'on a tous un caillou dans la chaussure. Pour ce qui est d'assurer, j'suis pas sûr qu'on assure. La beauté existe-t-elle pour elle-même? Le bon samaritain est toujours à la traîne dans la jungle urbaine. Viens éclairer ma lanterne là où le système nous berne. On m'a dit conseil d'amis, ne crois pas trop en l'amitié. Mais que me reste-t-il si je n'ai personne sur qui compter? Le couple c'est bien joli, mais je peux pas rester enfermé. Faut que je m'aère l'esprit, que l'extrême onction me soit donnée. Besoin que t'éclaires ma lanterne. Souvent j'arrive plus à rien faire autre que de gratter des textes, de penser au sexe.